Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs sur leur parcours, leur motivation et comment elles ont réussi à surmonter la peur d'entreprendre. Vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreuses à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale et ce podcast a vocation à vous aider à démystifier vos craintes au travers des témoignages de femmes qui ont bravé leurs peurs et sont aujourd'hui heureuses de leur choix de vie. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains podcasts des Cascadeuses, ces femmes libres et aventureuses qui ont décidé un jour de réaliser leurs projets et leurs rêves.